cours numéro 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rahimahullah, an-nur, ay, min asma'illahi azza wa jal, an-nur. Qala al-shaykh Sa'di rahimahullah, wa min asma'ihi al-husna, an-nur. Wa al-dalil, qawluhu ta'ala, Allahu nuru samawati wal-ard. واختلف العلماء أسك النور من أسماء الله عز وجل أم لا، فبعضهم يقول أن النور من أوصاف الله عز وجل سنتخبر، وبعض العلماء يقولون سنو، لا شك أن الله سبحانه وتعالى إلى لتخبر النور، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه سنود الله سبحانه وتعالى، فأثبته جمع من المحققين منهم العلامة السعدي وكذلك الإمام ابن القيم عليهم رحمة الله وغيرهم. قال رحمه الله ومن أسمائه الحسنى النور، فالنور وصفه العظيم. هنا faut bien comprendre une chose, أن النور أنواع. Il y a plusieurs catégories de nour. Un nour, c'est la lumière. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un kalam jamil, wadih. Faqala, fi kannahu mukhtasar al-sawa'iq al-mursala. Na'am. Mukhtasar al-sawa'iq al-mursala. Qala, rahimahullah, ونوره المضاف إليه يختص به لا يقوم بغيره، فإن نور المصباح كما في سورة النور قام بالفتيلة منبسطا على السقوف والجدران، وليس ذلك هو نور الرب تعالى الذي هو نور ذاته ووجهه. سأسمخ أن النور كتفوى أنت، que ce soit la lumière du soleil, du jour, de la lune, des étoiles, ou du feu, ou autre. هذا النور c'est pas نور الله سبحانه وتعالى أي الذي هو وصفه. لماذا؟ لأن les attributs d'Allah عز وجل sont sacrés. Donc, faut bien différencier. أن هناك نور c'est من صفات من أوصاف الله عز وجل. Lumière qui fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal, bel parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, An-Nur. Et An-Nur, c'est celui qui a la lumière, Subhana. Wa An-Nur, alladhi huwa yudhaf ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakin min bab idhafat al-maf'ul ila fa'ilihi, aw al-makhluq ila khaliqihi. Wa hadha taqaddam ma'ana dans ce kitab avec un ism, tadhkurun. وتقدم معنا كثيرا dans certains كتب des exemples في هذا الرحمن والرحيم. فالرحمة منها رحمة هي وصف الله سبحانه وتعالى، une رحمة مخلوقة. الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، il a créé 100 رحمة، il en a fait descendre une sur terre عز وجل. هذه c'est une رحمة مخلوقة. أما l'attribut de Ar-Rahman qui est qu'on a étudié ensemble dans Ism Ar-Rahman Ar-Rahim, ça c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huna nafs al-shay, an-nur minhu makhluq wa minhu ghayr makhluq, ay l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah wa laysa dhalika huwa nur ar-rabb ta'ala alladhi huwa nuru dhatihi wa wajhihi al-a'la، بل ذلك هو المضاف إلى حقيقة، كما أن نور الشمس والقمر والمصباح مضافة مضاف إليها. نعم. On a récité, on a lu au début. On répète لأن كان الكلام il était pas واضح. قال بل ذلك هو المضاف إليه حقيقة، أي إلى الله سبحانه وتعالى. Une صفة bien sûr حقيقية. Le معنى il est معلوم بلغة العرب. أما الكيف، le comment، الله أعلم. بهذا النور. قال كما أن نور الشمس والقمر والمصباح مضاف إليها حقيقة. نعم. قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لا شك أن القمر c'est tu vois de la lumière quand tu vois le قمر خاصة les nuits de pleine lune quand il n'y a pas de nuages tu vois cette lumière حتى ربما ترى أمامك tu vois devant toi خاصة dans les endroits où il n'y a pas de bâtiment, où il n'y a pas d'électricité, de lumière. في هذا الحال إذا tu te retrouves dans un endroit obscur dans une nuit de pleine lune tu vois devant toi belle tu vois l'ombre ton ombre tellement que هذا الضوء إلي قوي نور القمر donc هذا النور إلي مخلوق c'est une créature la lune et la lumière elle est créée de la lune. قال وقال تعالى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم فلا شك أن la lune بإذن الله عز وجل الفد لا لمير إلى آخره. قال فهذا نور مخلوق قائم بجرم مخلوق لا يسمى به الرب تعالى ولا يوصف به. هذا c'est important. لماذا؟ et on lira pas tout. لأن ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكلام النفيس et dans d'autres livres il a montré أن السبب إنكار بعض أهل البدع هذا الوصف هذه الصفة لله عز وجل أي النور أنهم يقولون لكن cette lumière qu'on voit c'est la lumière du soleil de la lune فpourquoi vous dites que Allah سبحانه وتعالى c'est le nour من أوصافه النور ils ont mélangé les deux lumières عيادا بالله ils ont été égarés ils ont été aveuglés لماذا لأنهم ils n'ont pas compris هذه المعاني avec كلام أهل العلم. فابن القيم رحمه الله فصل بتفصيل طيب الذي يريد الاستفادة فيراجع الكلام بتمامه. هذا سنتنبيه مهم. دونك النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى c'est pas la lumière du soleil ou la lumière du jour ou de la lune la lumière que tu vois أنت que tu connais là. ولعل الشيخ سعدي رحمه الله يبقى ديتايي. قال رحمه الله فالنور وصفه العظيم وأسماؤه حسنى وصفاته أكمل الصفات له تعالى رحمة وحمد وحكمة وهو نور السماوات والأرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به ونور أفئدتهم بهدايته. Allah subhanahu wa ta'ala c'est nour al-samawati wal-ard et كذلك c'est lui qui a illuminé qui a éclairé qulub al-arifin bima'rifatih et ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala ahl al-iman ahl al-mu'taqad al-sahih ceux qui connaissent leur croyance qui connaissent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala mais là je sais que leur cœur il sera pas comme le cœur d'un autre. Il y en a le cœur, il est illuminé bil ilm ou bil iman, avec la science, avec la foi. Allez, hada ahlul ilm, ils connaissent des choses et ils arrivent à comprendre certaines choses que al-jahil, l'ignorant, ne peut pas comprendre. C'est quoi la différence? C'est anna al-qalb fihi hada al-nour. C'est pour ça que kathir min al-ulama ils comparent al-ilm au nour. Bel, il y a beaucoup de adilla fi hada. Et l'ignorance à l'obscurité. L'ignorance à l'obscurité. قال رحمه الله والإيمان به ونور أفئدتهم. الأفئدة جمع فؤاد أي القلب. بهدايته وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها. تأمل هذا. هذا النور كي مخلوق. comme le soleil, comme la lune. comme le feu. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. فهذا النور في الحقيقة il est min Allah, لكن il est créé. Comme الرحمة qui est créée, elle est min Allah. لكن Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une ou plusieurs miséricordes. Et il a une رحمة, c'est un وصف له subhanahu wa ta'ala. فالجميع ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, لكن certaines choses, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres, c'est des attributs d'Allah عز وجل, ففرق. بين هذا وهذا. C'est très très important comme ça y est. بإذن الله من كلام الشيخ سعدي رحمه الله. قال: وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. نعم، كما جاء في حديث الإسراء والمعراج أو قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا، رأيت نورا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي أنه إلى فين لمير، قال: ما انتهى إليه بصره من خلقه. On répète le kalam sans s'arrêter. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه عز وجل. ثم قال: وبنوره استنارت جنات النعيم. بنور الله سبحانه وتعالى، لأن في الجنة وفي الجنة نعم يبقى الصليل، الصليل زي في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. وبنوره استنارت جنات النعيم. قال: والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته. Vous avez remarqué que l'an, Al-Shir Sa'di, rahmatullah alayhi, parle de An-Nur, alladhi huwa wasfu Allah, ay l'attribut d'Allah, azza wa jal. Wal-Nur, alladhi huwa wasfu, min jumlati nu'utihi l'azima. Naam, c'est un des attributs parmi les attributs d'Allah, azza wa jal. Comme le visage, comme la science, comme la force, la puissance, al-qudra, ila akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs parfaits. Qal wa amma al-Nur al-makhlouq fa huwa nu'an. Donc il a bien montré les deux rapports. Amma an-nur al-makhluq, enfin il est des deux catégories. Ne mélange pas avec les deux catégories qu'on a citées précédemment. Les deux catégories qu'on a citées précédemment, c'est pour montrer anna min an-nur ma huwa makhluq wa min an-nur ma huwa ghayr makhluq. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jalla. Le nur, la lumière qui est créée, elle est de deux catégories. On parle plus de la lumière qui est l'attribut d'Allah Azza wa Jalla. Fantabih li hada. قال والنور المخلوق وأما النور المخلوق فهو نوعا نور حسي. الحسي أي تشاهده، tu le vois. مثلا نور كنور الشمس، ça c'est un نور حسي، tu vois. La preuve c'est quand le soleil se couche, il n'y a plus de lumière et on est dans l'obscurité, la nuit. Donc هذا c'est un نور حسي. والقمر. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Ayyam al-Bayd et Waghiriha. Le 13, 14, 15 de chaque mois lunaire, quand il n'y a pas de nuages, même si tu es dans un endroit obscur, tu verras. Ben, tu verras très très bien. Et quand ce n'est pas la pleine lune, ou quand il n'y a pas de lune du tout, le croissant lune, tu ne le vois plus, à la fin du mois, le début du mois, là, tu ne vois presque rien. Ah, là, nous, on fait ici que tu vois. قال والكواكب أي الزيتوال وسائر المخلوقات المدرك بنورها بالأبصار. هذا سنور مخلوق لحسي أن لفوا. قال والثاني نور معنوي. هذا النور سبقكم النور الحسي تبع لفوا avec tes yeux. قال وهو نور المعرفة والإيمان والطاعة. هذا أعظم أو من أعظم الأنوار. نور عظيم، نور المعرفة والإيمان والطاعة، البصر والبصيرة، البصر والبصيرة. البصر سي لا فيو، والبصيرة سي لا كليرفويونس. بعض الناس ربما ينفوي با النور الحسي، يسون افوغل مثلا، لكن يزون هذا النور العظيم في قلوبهم، يزون سيت لوميير. فايز اريف ا ديستينغي انتر لو بيان اي لو مال، يسون على خير عظيم مالغري كيسون افوغل. فكم من صالح إلى يتبخوفي بار سيت مالادي أنه إل نو فوا با. وبعض الناس عياذا بالله يفوايا النور أي لا لوميير دو سولاي لا لوميير دو جور دو لا لون، لكن عياذا بالله أصيبوا بعمى في قلوبهم، عمى في قلوبهم. قال والنور الثاني والثاني نور معنوي وهو نور المعرفة والإيمان والطاعة، فإن لها نورا في قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق المعرفة مواجد الإيمان، من حقائق المعرفة مواجد الإيمان، كان هو مواجد الإيمان. قال وحلاوة الطاعة والسرور المحبة. دونك هذا النور لدي أسباب، من أعظم أسبابه المعتقد الصحيح. faire des efforts pour comprendre sa aqida. C'est pour ça que chaque mu'min il a shay min hadha an-nur. Chaque mu'min il a de la lumière dans son cœur. Wal mu'minun yatafawatun. Yatafawatun par rapport à quoi? Et on n'a pas tous la même lumière dans le cœur. On ne comprend pas tous de la même chose. L'imam, on n'a pas tous la même foi. Hadha an-nur c'est par rapport à l'iman. Plus l'iman il est qawi, plus هذا المؤمن il aura من هذا النور dans son cœur. Et كذلك الطاعة, l'obéissance. Et في الحقيقة on a dit أن هذا النور tu le vois pas avec tes yeux, لكن يظهر حتى في الوجه. Tu la vois cette lumière sur le visage de أهل العلم, de الصالحين, ceux qui font beaucoup d'efforts في هذا الباب. Tu vois de la lumière sur leur visage. قال والسرور المحبة وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعوه إلى كمال الإخلاص لله. C'est pour ça que المسألة سبب قوة البدن سبب الذكاء مجرد الذكاء. أي pourquoi certaines personnes elles arrivent à s'écarter de certains péchés et d'autres non. Ce n'est pas lié au physique, ce n'est pas lié à l'intelligence, c'est lié à هذا السبب العظيم, هذا النور. Cette lumière, bien sûr, elle éclaire ce croyant pour qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala بالعلم, et كذلك بالإخلاص, لماذا لأنه il a la foi, donc il est sincère, et كذلك, cette lumière, elle l'aide à s'écarter des péchés. Et العكس, ceux qui n'ont pas l'iman ou qui ont un iman faible, par rapport à leur égarement, ils s'écarteront des obéissances et ils feront beaucoup de péchés. Donc, c'est très très important de faire les causes pour avoir cette lumière. Ça y est, معنا ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé هذا النور. قال رحمه الله نعم إلا سيتي هنا ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطني نورا وزدني نورا. الحديث كما قال في الحاشية في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فدعاء عظيم أن الإنسان يدمون هذا النور. لماذا؟ لأن سي الله سبحانه وتعالى يمسّت lumière dans son cœur et كذلك dans ton ouïe et كذلك dans ta vue et كذلك بين يديك devant toi derrière toi فبإذن الله عز وجل tu seras guidé, tu seras préservé. كذلك توفق, est-ce que tu vas entreprendre Allah سبحانه وتعالى il te facilitera, il te mettra de la baraka, contrairement à بعض الناس عياذا بالله leur cœur il n'y a pas de nour, il n'y a que الهوى والحقد والحسد, les passions, la jalousie, la haine, le kufr, la mécréance, l'orgueil. فمثل هؤلاء لا يوفقون في الدنيا ما في الآخرة. Celui qui n'a pas de lumière du tout, qui n'a pas de iman, qui n'a pas de foi, Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé au kufar un adab jadid. فعلى كل حال on fait des efforts pour pouvoir acquérir هذا النور. تقدم معنا من كلام الشيخ سعدي certaines causes. هذا النور c'est pas une prétention فقط, لا, c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne ce nour. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Celui à qui Allah سبحانه وتعالى il donne pas ce nour, il n'aura pas de nour, il peut faire ce qu'il veut. على كل حال on fait les causes, apprendre notre din, كذلك وبيغ الله سبحانه وتعالى سكحتي دي بيشي, ومن أعظم الأسباب من دمض كذلك الله سبحانه وتعالى هذا النور اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. الإنسان يتوكل على الله. قال وهذا النور الذي يعطيه الله عبده أعظم منة منها بفتح الميم وتشديد النون. Dans les pas minha, منة أعظم منة منها قال عليه وأصل الخير. C'est une des plus grandes ni'mah. Belle, c'est la plus grande ni'mah pour l'abd. Nour al-Iman, Nour al-Ilm, Nour al-Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala c'est Nour, et on a la conviction que Al-Nour, ça fait partie de ses noms, et kadalik Al-Nour, c'est un de ses attributs, Azza wa Jal, fa kadalik son dîn, c'est du Nour. Sa religion, c'est du Nour. C'est toutes les adorations, c'est de la lumière. Il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam bin nur surajan munira wa hakada. Donc là je sais que c'est parmi les plus grands bienfaits pour l'abd. Nur al-iman. Qal wa hadha an-nur mahma qawiya fa innahu makhluq. Tanbih anna on est toujours dans un nur al-makhluq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne et là je sais que c'est min makhluqat Allah azza wa jalla. Qal fa iyyaka an tad'uf أن تضعف بصيرتك ويقل تمييزك وعلمك فتظن هذا النور نور العيان ومشاهدة القلب لنور الذات المقدسة إنما هو نور المعرفة والإيمان ويبتلى بها بعض الصوفية الذين ترد عليهم الواردة القوية فيقع منهم من الشطح والخطل. الخطل أي الكلام الفاسد كما في المعجم الوسيط ما ينافي العلم. هذا تنبيه مهم أن السنور كي dans le cœur c'est pas l'attribut d'Allah Azza wa Jal contrairement à ce que certains égarés comme As-Soufiya y prétendent. وهم تقدم معنا on a étudié en résumé ce groupe égaré cette secte يعتقدون بالحلول والاتحاد et ça c'est من عقائدهم المنحرفة. Et بعضهم نعم يقول أن هذا النور من نور الله عز وجل. Et هذا c'est très très grave. Là, on est toujours dans le nour qui est créé. قال والخطل ما ينافي العلم والإيمان كما أن كثيف الطبع جاف القلب قد تراكمت عليه الظلمات وتوالت عليه الغفلات. الغفلات هي الغفلة. فلم يكن له من هذا النور حظ. هنا إلى ستين بعض الناس qui ne font pas d'effort. كثيف الطبع جاف القلب. جاف القلب ça veut dire ils ont le cœur iyadun billah qui n'a pas cette lumière. Le قلب il est جاف, il est فارغ, il est vide. بل في الحقيقة il est pas vide, il serait vide, ça serait أهون. لكن هذا القلب لابد أن يملى بالشيء. Ce cœur c'est comme un récipient, c'est forcément il doit être rempli de quelque chose. S'il n'est pas rempli de هذا النور العظيم الإيمان والعلم etc, il sera rempli par عياذا بالله des وساوس du كفر des شبه des شهوات الهوى et autres. فلم يكن له من هذا النور حظ. وتقدم معنا أن المؤمنين يتفاوتون في هذا النور لأن هذا النور c'est الإيمان. بعضهم ils ont un نور قوي un إيمان قوي بعضهم ils ont un نور ضعيف. Tout ça par rapport aux causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qui veut. وَلَا نَصِيب بَلَ رُبَّمَا إِزْدَرَ مِنْ سَفَاهَةِ عَقْلِهِ وَقِلَّةِ وَجْدِهِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَزَهِدَ فِيهَا. قَالَ فَمَتَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِمَعْرِفَةِ صَحِيحِهِ مُتَلَقَّاهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَفَقَّهَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَتَعَبَّدَ لِلَّهِ بِهَا وَاجْتَهَدَ أَنْ يُحَقِّقْ مَقَامَ الْإِحْسَانِ يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه ولج بذكر الله تعالى استنار قلبه. هنا il a recité certaines causes et parmi les plus grandes causes c'est المعرفة الصحيحة. Et la source de هذه المعرفة الصحيحة قال متلقات من الكتاب والسنة. Donc هذا النور من أعظم أسبابه. D'où on peut puiser هذا النور؟ من القرآن ومن السنة. Ce nour, cette lumière, elle ne s'achète pas. Elle ne s'emprunte pas. Là, c'est Allah qui la donne à qui il veut, Azza wa Jal. Et les causes, c'est de prendre هذا النور من الكتاب والسنة. وتفقها في أسماء الله وصفاته. Et أعظموا ما في هذا الكتاب العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من العلم, c'est معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. Donc la plus grande cause pour acquérir cette lumière, c'est d'étudier les noms d'Allah Azza wa Jal. Il y en a celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, il aimera Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit dans le kalam de l'Qayyim, rahmatullah alayhi. Man araf Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbahu la mahala. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois il fera des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra cette lumière dans son cœur. Qala, وتعبد لله بها واجتهد أن يحقق مقام الإحسان. فصير أعلى المنازل مقام الإحسان. إنه أقوى ما يتحصل أو ما يحصل العبد من النور في هذا المقام الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. هذه المنزلة العظيمة أنه إلى دغى الله سبحانه وتعالى كم سيل فوي. فإن لم يكن يرى لا شك أن العبد يرى الله سبحانه وتعالى فإنه يرى الله عز وجل يرى كما تقدم معنا عند تفسير اسم الله عز وجل الرقيب فإنه يراه ولهج بذكر الله تعالى استنار قلبه كذلك parmi les causes pour attirer cette lumière الذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم conseiller ses compagnons de l'azim al-dhikr et souvent être régulier être sincère c'est une adoration azima faire des efforts pour comprendre plus l'insan il comprend plus ça va illuminer son cœur c'est du ilm comme taqaddam al-nur c'est du ilm et celui qui prononce ses adhkar ses invocations كذلك ما يتعلق بالدعاء celui qui demande à Allah qui invoque Allah عز وجل et comprend ce qu'il dit لا شك أن هذا ça va être une cause énorme pour que cette lumière elle augmente dans son cœur قال وحصل له من لذة المعرفة ومواجيد الإيمان أعظم اللذات هذا القلب المنور ce cœur qui est illuminé arrivé à un certain niveau après certains efforts il sera à هذا الحال لذة في المعرفة et في العبادة il va avoir un plaisir à apprendre خاصة ما يتعلق بالله apprendre ce qui Allah c'est quoi ses noms c'est quoi ses attributs عقيدة الإسلام عقيدة السلف كذلك il trouvera un plaisir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فسبحان الانسان دائما يدمند من فضل الله عز وجل يدمند ان الله سبحانه وتعالى ينور قلبه يدمند الله سبحانه وتعالى هذه اللذه بل هذه اللذات سواء في العلم سواء في التعبد اللذات c'est le pluriel de لذة اللذات c'est le plaisir, c'est tu trouveras un goût. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala hada, que cette ibadah elle devient pour toi qurrat aynik rihna biha ya bilal. Hakadha kana yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala rahimahullah wal mu'min idha kamula imanuhu anara Allah qalbahu fankashafat lahu haqa'iqul ashya. Et ça c'est min a'zam al-asbab pour connaître la vérité. C'est de faire des efforts pour acquérir hadan nur. Il y en a celui qui a le cœur illuminé bil iman wal ilm, il arrivera à discerner entre le vrai et le faux, entre at-tawhid wal shirk, entre sunnah et bid'ah. Qala wa hasala lahu furqan yufarriq bihi bayna al-haq wal-batil. Al-furqan c'est un discernement, il va pouvoir discerner entre le faux et le vrai. وصار هذا النور هو مادة حياة العبد مادة حياة العبد أي حياة قلبه كما أن le corps il a besoin de choses pour vivre التنفس l'oxygène والطعام والشراب la nourriture il faut qu'il boit absolument il a arrive هذا القلب كذلك il a besoin d'une chose pour vivre et cette chose qui le fera vivre c'est هذا النور cette lumière, ay al-iman, la foi et l'ilm. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي الميت. لأن الذكر تقدم معنا من أعظم أسباب هذا النور لفد دانفوكي ديفوكي الله سبحانه وتعالى دفق في الذكر. صار من أعظم أسباب النور. النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé l'être humain qui fait du dhikr أو il a comparé l'être humain qui fait du dhikr avec un être humain un autre qui ne fait pas du dhikr. C'est comme le mort et le vivant. Il y a une énorme différence entre un corps mort et un corps vivant. هكذا les cœurs. Celui qui fait du dhikr, il a un cœur vivant, et celui qui ne fait pas de dhikr, il a un cœur mort. Même s'il marche sur terre, même si son corps il est vivant, même s'il parle, même s'il se déplace, الحقيقة il est كالميت عياذا بالله. قال وقوته على الخير علما وعملا وانكشفت عنه الشبهات القادمة في العلم واليقين. هذا من أعظم الأسباب de ne pas tomber dans les fitan. تعيذا بالله. C'est de faire des efforts في هذا الباب. هذا النور التقوى. هذا النور سببه si tu veux citer un mot qui rassemble tout ça, التقوى. التقوى c'est l'iman, c'est le tawhid, c'est adorer Allah سبحانه وتعالى, c'est s'écarter des معاصي, c'est ça التقوى. قال وانكشفت عنه الشبهات القادمة في العلم واليقين. Donc من أعظم الأسباب pour ne pas tomber dans des شبهات, avoir des ambiguïtés, c'est هذا النور. قال والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة كذلك. C'est deux maladies. C'est les deux maladies les plus graves. مرض الشبهات et مرض الشهوات. Et مرض الشبهات est encore plus grave. ماذا لأن ça touche directement le cœur. Et la maladie des shubah, les ambiguïtés, la maladie des shahawat, les passions. Et le fait de tomber dans le haram, la fornication, etc. Pour s'écarter de ces deux maladies, bien, ces deux maladies, c'est fondé sur quoi? Comme Aqal, c'est fondé sur le ghafla ou le dhulma. Le ghafla, c'est l'insouciance, et le dhulma, c'est l'obscurité. Imma un manque de ilm, imma l'insouciance, un iman faible. L'iman faible, ça peut faire tomber dans le shubuhat, et pas assez de ilm, ça peut faire tomber dans les shubuhat, les ambiguïtés. فقال وكان قلبه نورا وكلامه نورا وعلمه نورا والنور محيط به من جهاته. هذا الإنسان أنه son cœur il y aura du nour, كذلك sur sa langue, كذلك ses membres. والنور محيط به أي سرع أنتغي بنور devant lui, derrière lui, إلى آخر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هذا. قال عليه الصلاة والسلام ومن بين يدي نورا ومن خلف نورا أي devant moi, derrière moi. On demande هذا النور العظيم. قال والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات. الكافر c'est واضح, المنافق c'est l'hypocrite, المعارض المعرض celui qui se détourne عياذا بالله, celui qui combat le din, الغافل كذلك celui qui est dans l'insouciance, il oublie الحق, il oublie العمل عياذا بالله. La priorité de certains c'est plus le din, ils sont في غفلة سحيقة, ils pensent qu'à الدنيا. بعضهم حتى الصلوات ils les font plus. والله بل بعضهم حتى الشهادة ils la prononcent plus. Ils sont occupés par le dunya. Obama, tu lui demandes, ça fait combien de temps que tu n'as pas prononcé shahada? On ne parle même pas le fait de la comprendre, de haqqaq ses shurut, de s'écarter de ses annulatifs. On parle rien que le fait de la prononcer, sans regarder les autres étapes. Obama, il ne sait même plus. Tellement qu'ils sont fi ghafla. Haoula la shakanahum, ils sont fi khatarin adhi. قال الشيخ سعدي رحمه الله كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات. Ils sont tous dans l'obscurité. Même s'ils ont de l'argent, même s'ils sont en bonne santé, même s'ils ont des connaissances, ils sont fi dhulumat. Et un jour, celui qui est fi dhulumat, un jour la shak annahu il tombera. La shak hada. Celui qui est fi dhulumat, la shak un jour il se fera du mal. C'est comme si wahed tu le mets dans un endroit avec plein d'obstacles, plein de trous, plein de fossés, et il est fait volumet. Un jour il va éviter, deux jours, trois jours, un jour il tombera. La shak. هكذا هؤلاء. قال كل له من الظلمة بحسب ما معه من مواد من موادها وأسبابها. chacun, cette obscurité, elle est liée à son égarement. La chakana dhulmatu al-kufr wa al-nifaq, c'est beaucoup plus grave que dhulmatu al-ghafla. Si ce rafel, on dit que c'est un musulman, et cette insouciance, si on dit que ça reste un musulman, bien sûr, il y a une énorme différence. Lakin ala kulli hal, ça reste très très grave. Qala wallahu al-muwaffiq wahdah. Sahih. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-muwaffiq. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Kadhalik, celui qui, walillahi alhamdi, bénéficie de hada al-nour, il aime al-din, il aime al-ilm, il a des connaissances. Fayuhafid ala hada al-nour. Ana ta'lamoun anna la lumière, elle peut s'éteindre. Kam min al-nas, ils étaient ala ilm, etc. Ils avaient shay min al-nour. Thumma ils se sont égarés, iyadun billah. Ba'duhum irtad, ba'duhum iyadun billah, iharab al-sunnah, ba'duhum iharab ahli al-ilm, ba'duhum ils mettent en application ce qu'ils connaissent. Alors qu'ils savent. Hada, c'est très très grave. Hada al-nour, c'est une ni'ma, et il faut le préserver. La chakana, celui qui est sincère, qui a une bonne intention, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. On fait des efforts. Hada al-nour, sa source principale, kama taqaddam, c'est l'iman, c'est la sincérité. Et taqaddam ma'ana, dans plusieurs durus, hada al-iman wa hada al-ikhlas, il y a des annulatifs. Cette lumière, elle peut s'éteindre. Iyadan billah, al-insan yuhafid alayha. C'est le plus important. Tu as cette lumière et l'endroit, c'est dans le cœur. Préserve ton cœur. Fais attention aux ennemis de l'islam. Fais attention à Dunya. Fais attention à Ahlul Bid'ah. Par rapport à leur égarement, c'est tous des causes pour éteindre cette lumière. Fahafid alayha. Avec hada al-du'a. Al-Nabawi. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aj'al fi qalbi noura. وفي السمع نورا حتى dans ton ouïe, dans tes oreilles, nour. Celui qui a de la lumière dans ses oreilles, dans son ouïe, il n'écoutera pas des mauvaises choses. Il n'écoutera pas du munkar. Qala وفي بصر نورا, celui qui a cette lumière dans ses yeux, dans sa vue, il ne regardera pas du haram. Qala ومن بين يدي نورا ومن خلف نورا. هذا الإنسان entouré de nour. وفي الحقيقة ce corps que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, il fera tout pour que il se soumette à Allah azza wa jalla, le créateur. Et ta'ammal qawlahu à la fin du hadith alayhi salatu wassalam, Allahumma a'tini nouran wa zidni nouran. Ça montre que l'insan il demande al-ziyada, on se suffit pas, on fait attention, et là c'est une cause pour que cette lumière elle diminue. Cette lumière, comme a taqaddam ma'ana dans le dors précédent, kalam ibn Qayyim rahimahullah, fi bayan ma'ani ism al-muqaddim et ism al-mu'akhir, anna l'insan il ne peut pas rester stable fi halatin wahida. Hada al-nur kadhalik. Il est lié à l'iman. L'iman il monte ou il descend. Hada al-nur il peut augmenter, éclairer jiddan, beaucoup, et il peut faiblir. Fais attention, il y a des choses qui vont diminuer hada al-nour. C'est pour ça que demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-ziyada. Wa qul rabbi zidni ilma. Et là, wa zidni noura. Donc tu demandes à Allah azza wa jalla, il t'augmente ton ilm, il t'augmente cette lumière, il t'augmente l'iman. Et min a'zam asbab nuqsan hada al-nour, c'est de croire que l'insan, khalas, il a atteint un niveau. Il n'a plus besoin de faire d'efforts. Le shaitan, il combat beaucoup de personnes min hadha al-bab. Alors, khalas, j'ai compris et j'ai plus besoin de faire d'efforts. Si tu fais plus d'efforts, tu régresseras, tu diminueras. Hadha la shakavi. Et, walillahi alhamd, on a lu kalam mufid de l'imam al-Qayyim dans le dars précédent. On a lu ism al-nur et kadalik, une grande partie c'était sur les fruits, le fait de demander, le fait de préserver hadha al-nur. Falhamdulillah. ثم قال رحمه الله الهادي العلماء اختلفوا كذلك في هذا الاسم. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que الهادي ça fait partie des noms d'Allah سبحانه وتعالى ام لا؟ قال الله عز وجل وكفى بربك هاديا ونصيرا. Le dalil il est cité en note de page. Alors, les ulama قالوا قوله هاديا سين صفة وبعض العلماء قالوا هاديا هنا سان دليل بوغ الاسم فالله سي الهادي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى والرسائل قال بعض العلماء اثبته من اسماء الله عز وجل، وبعض العلماء قال بل هذا من اوصاف الله وليس اسما. اي خلاف بين اهل العلم، والذي يظهر انه اسم هاديا ونصيرا، والله اعلم. الشيخ سعدي اثبته هنا بيان سور دوتر سافون. قال رحمه الله الهادي، الهادي ça vient de الهدى، الهدى c'est la guidée، الهادي c'est celui qui guide، فالله سبحانه وتعالى c'est الهادي. اما الوصف لا شك فيه، beaucoup de adilla ان الله سبحانه وتعالى يهدي، ومن يهدي الله فلا مضل له، énormément de adilla بهذا. قال الهادي اي الذي يهدي ويرشد عباده الى جميع المنافع والى دفع المضار. فالله سبحانه وتعالى سلوي كي guide العباد، سلوي كي guide العباد vers des choses dont ils ont besoin، des choses profitables. وكذلك سلوي كي guide العباد pour repousser d'eux ou les écarter des choses، certaines choses qui leur font du mal. قال ويعلمهم ما لا يعلمون، ça c'est من هداية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعلمه، أي هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يفسلي pour qu'il apprenne، ويهديهم نعم بهداية التوفيق والتسديد، أي يوفق من يشاء، هذه هداية خاصة pour المؤمنين، يوفق ويسدد من يشاء، أي يجد لكير سبحانه وتعالى. قال ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. إساس من أعظم الهدايات أن الله سبحانه وتعالى يلهم التقوى، أي يفسلت لكوز certains de ses serviteurs حتى يؤمنون ويحبون الله سبحانه وتعالى، إذا لا كخان dans leur cœur التقوى. كذلك يجعل بعض القلوب منيبة إليه، الإنابة c'est الرجوع، ça ressemble à التوبة، ça ressemble هنا à la soumission، منقادة ça c'est la soumission لأمر. c'est pour ça que tu trouves بعض العباد يطيعون الله سبحانه وتعالى، ils obéissent à الله سبحانه وتعالى، ils observent les commandements autant qu'ils le peuvent، ils s'écartent des interdits. tu trouves d'autres عباد عيادا بالله من الكفرة ومن تأثر بهم أنهم ينبيسوا الله عز وجل. qui c'est qui a guidé celui qui est guidé، qui c'est qui a égaré celui qui s'est égaré، c'est الله سبحانه وتعالى، c'est الهادي عز وجل. وشيخ عبد الرزاق في فقه الأسماء الحسنى وفقه الله إلى ستة دي أنواع طيبة. قال page 135 de notre livre، قال وها هنا وقفة لبيان أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، ويتناولها اسمه جل وعلا الهادي. لا سيتي plusieurs catégories de هداية de guider. la première الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها. ça c'est la première qu'il a cité الشيخ سعدي رحمه الله. الهداية العامة أي guide l'insan pour qu'il arrive à trouver ce qu'il a besoin et s'écarter de ce qui lui fait du mal. Ça c'est pour jamir al-ibad. Tout le monde aime la sécurité, tout le monde aime les bonnes choses, tout le monde déteste les mauvaises choses, tout le monde ne veut pas se faire du mal, il a akhir. C'est qui a guidé al-ibad pour هذا؟ c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هذه هداية عامة. حتى الحيوانات، حتى les animaux، Allah subhanahu wa ta'ala il les a guidés. Ils savent ce dont ils ont besoin et s'écartent de certaines choses qui pourraient leur faire du mal. La page suivante, هدايه الارشاد والبيان للمكلفين وهي حجه الله على خلقه التي لا يعذب او لا يعذب احدا منها او لا يعذب احدا منهم الا بعد اقامتها. هذه هدايه الارشاد والبيان، اي Kabakal, c'est Hujjatullah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé les messages, il a révélé les livres pour que ça devienne une hujja, un argument, une preuve contre tout le monde. Et celui qui n'a pas reçu cette preuve, il est excusé indallah, subhanahu wa ta'ala. Et la shak anna kama ja'a fi ba'd al-ahadith anna ba'd ha'oula, certains, ils seront éprouvés yawm al-qiyamah. Limadha li'annahum, ils n'ont pas reçu un messager, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas pu connaître la vérité fi dunya. Ha'oula, ils seront testés yawm al-qiyamah. Wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula. Il a cité ba'd adilla fi hadha al-bab. Thumma qala thalithan hidayatu at-tawfiq wal ilham wa sharhu as-sadr. هذه الهداية كلا ستي الشيخ سعدي رحمه الله أي كيليا التقوى والإيمان أي الله سبحانه وتعالى celui qui guide les cœurs. فcelui qui guide en envoyant un messager أو un livre أي هداية البيان أي il montre aux عباد لا شك les livres et les messagers c'est la guidée, ils sont là pour montrer la guidée. La troisième c'est le fait que هذا الإنسان il soit guidé lui-même أي il accepte, le fait d'accepter. C'est qui fait que هذا الإنسان il accepte? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui guide les cœurs, c'est Allah jalla wa ala. Qala rabi'an al-hidayatu ila al-jannah wal-nar yawm al-qiyamah. Al-hidayatu ila al-jannah, ay al-mu'minin, wal-hidayatu ila al-nar. Et qui c'est qui va guider les croyants au paradis yawm al-qiyamah? Anahum, ils vont passer sur le surat ila aghri jusqu'à ce qu'ils vont rentrer dans le jannah. Qui c'est qui va guider les gens du feu, حتى ils vont rentrer au feu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme قال, il a cité une preuve, فهدوهم إلى صراط الجحيم. فهدوهم, ça vient de l'hidayah. Aïe, guidez-les إلى صراط الجحيم. Aïe, sur le chemin de l'enfer. Guidez-les, هنا, c'est le fait de suivre une voie. De suivre une voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. ثم il a cité un kalam mufid, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. فعلى كل حال, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hadi, et ça en haqiqa c'est une bouchra azima pour le mu'mini, c'est le fruit, un des fruits principaux du fait de connaître le sens de ce nom. L'insan il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guidée, c'est pas en suivant un tel, là la guidée c'est en suivant le prophète alayhi salatu wa salam, c'est le seul qu'on doit suivre dans tout. Amma autre que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa kadha qala أهل العلم كل يؤخذ من قوله ويرد. On peut prendre de tout le monde et on peut délaisser de tout le monde sauf le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a été envoyé avec le huda عليه الصلاة والسلام. Et كذلك تستفيد من هذا الاسم أن tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. C'est من أعظم النعم. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il te guide, fa personne ne peut t'égarer. من يهده الله فلا مضل له. C'est pour ça que c'est une bouchra pour le mu'min, al-thabit. Si tu es guidé, même si un tel minannas il n'est pas d'accord, même si un tel minannas il veut te faire du mal, même si un tel minannas il veut salir ton image en faisant croire que tu es un égaré, un hypocrite, un innovateur, si Allah il t'a guidé, tu es guidé. Ça ne change rien à la parole d'un tel. Parmi les fruits, on fait tout pour satisfaire Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui guide. Et si nous guide, on doit être reconnaissant. Mais l'insan, il ne peut pas te guider. Surtout à notre époque. Aujourd'hui, il te complimente, demain, il te critique. On fait tout pour satisfaire Allah Azza wa Jalla. C'est impossible. L'insan, il a un bon comportement. Et sa priorité, ce n'est pas de satisfaire les gens. La priorité, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-hidayah, elle a asbab, bien sûr. Cette guidée, elle a des causes. Allah, c'est le hadi. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Cette guidée, Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des causes. Mais l'a'lam al-asbab c'est de demander Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ça c'est min al-hidayah. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. Et kadhalik une autre chose importante, al-muthabbitak. Le fait d'être guidé c'est une chose et al-thabbat c'est une autre. Aujourd'hui on est guidé, demain Allah a'lam on ne sait pas comment on sera, comment on finira. Wal-a'mal bil-khawatim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide, on demande كذلك الثبات. فمن أعظم أسباب الهداية c'est الدعاء. كذلك من أعظم أسباب الهداية c'est العلم. faire des efforts fil ilm. لأن celui qui aime le khayr et qui fait les causes pour apprendre la vérité, pour apprendre la guidée, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. كذلك من أعظم أسباب الهداية c'est fréquenter الصالحين أهل الهدى, ceux qui ont été guidés. Même si tu as des faiblesses, ils te conseilleront. Tu te trompes, ils te corrigeront. Tu as des manquements, mais إذن الله عز وجل يتعاونون معك. Te conseille. Amma, vouloir la guider et fréquenter les mauvaises personnes, al-ashra, al-fujja, al-nasi combattent cette guidée, à s'approcher de ha'oula, c'est très très grave. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana hudatan muhtadin. Kadhalik, on fait des causes pour être une cause pour la guidée des autres. Hudat muhtadin. L'insan, il fait tout pour être la cause pour guider les autres et lui-même être guidé. Et celui qui fait la cause pour guider les autres, pour être une cause, il y en a la guidée. Taqaddam ma'ana, il y a plusieurs cas. Hidayatu al-bayan wal-irshad et hidayatu al-tawfiq. Hidayatu al-tawfiq, c'est biyadillah. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah, il guide qui veut, celui qui guide les cœurs. Lakin hidayatu al-bayan, le fait de montrer. Fahadihi, c'est wazifatu al-rusul. عليهم الصلاة والسلام كذلك وظيفة أتباع الرسل ceux qui suivent les messagers de montrer cette guidée aux autres donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut donc parmi les causes c'est de montrer aux autres si tu veux le bien pour les autres Allah il te facilitera le bien كذلك et on conclut avec هذا أن من ثمرات هذا الاسم العظيم أن si tu fais les efforts pour montrer la guidée à quelqu'un il ne l'accepte pas فلا تذهب نفسك عليهم حسرات استريح لا شك صافي دو مال خاصه دي بيرسون كو تو ان دي بروش انهم ما اكسبت با لا غيدي لكن tu connais le sens de la hadith c'est Allah qui guide tu ne peux rien faire tu peux faire certaines causes الدعاء lui montrer اما le cœur ça c'est Allah عز وجل هذا الاسم il va nous permettre de ne pas s'imposer des choses au-dessus de notre capacité. C'est Allah qui guide. On montre billati hiya ahsan. Abad al-ikhwa, ils se font beaucoup de mal. Ils sont poussés par le hamas. Khasadan au début de l'istiqama, quand l'insan vient de se convertir, ou il veut commencer à prendre son dîn, à s'accrocher à la sunnah. À cause de l'ignorance, il veut guider tout le monde. Et si quelqu'un n'accepte pas, ça le met dans certains états. Allah, c'est lui qui guide. On t'en montre. Et un bon comportement. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut guider, il le guidera. Avec toi ou sans toi. Allez, هذا الانسان لا يشدد على نفسه وعلى غيره على نفسه ولا على غيره. Là, on n'impose pas, on s'impose pas nous au-dessus de nos capacités, on n'impose pas aux autres. Là, on montre. هذا والله تعالى اعلم. نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième tasse. Inch'Allah ta'ala.